MEV dans vos oreilles. Semaine 13. Septembre 2019. Nous sommes de retour au petit village de Sarimogol et donc nous avons passé la nuit dans la yourte. Donc ce bruit que vous avez entendu, il a duré jusqu'à, je dirais 22h, mais peut-être plus, je sais pas. Peut-être plus, ouais. En gros, si t'as envie de te coucher tôt, tu peux pas. T'as pas le droit. C'est un peu bruyant, ouais. Et puis après ça, il y a eu des chiens qui ont aboyé toute la nuit. D'abord au loin, puis un peu plus près, puis très près. Et puis au bord de notre yourte, quoi, clairement, à la fin. Donc c'était un peu compliqué de dormir. J'avais beau avoir des boules caisses, c'était tellement fort. Et puis surtout en continu, mais pas un bruit continu, quoi. Donc du coup, c'est pas berçant. Je comprends pas comment ils peuvent ne pas se lasser d'aboyer. Non mais, un chien qui aboie, il aboie 10 secondes, 30 secondes, je sais pas. Mais là, c'était vraiment, c'était en continu tout le temps. La nuit, quoi. Mais dormez. Qu'est-ce que vous en... Pourquoi... Du coup, on saura jamais trop pourquoi c'était. C'était parce qu'ils gardaient le camp. Est-ce que parce qu'il y avait des animaux qui faisaient... Peut-être avait des vaches qui faisaient n'importe quoi, je sais pas. Enfin, tu vois, on saura pas. Non. Bon, en tout cas, on a eu bien chaud quand on s'est couché avec le feu. Mais alors, quand le feu s'est arrêté... Il a fait bien froid. Il a fait bien froid, hein. Ouais, parce que, bah, il a gelé quand même cette nuit, donc... Oui. Donc dans la yourte, bon, t'as beau être protégé un peu... Ouais, il y a des courants d'air, hein. En fait, t'es à l'extérieur, c'est juste après un petit revêtement de peau de bête qui est autour. Mais il y a quand même des... Et de plastique, non, c'est pas un truc un peu en plastique, le ils, truc ils blanc. Mettent aussi... Ah, de l'extérieur? Ouais. Je sais pas exactement. En tout cas, on était dans une vraie yourte kirghize, puisque c'était des poutres rouges. Et on a appris d'où venait le drapeau kirghize. C'est en levant la tête dans la yourte qu'on a remarqué que l'espèce de coupole qu'il y a au-dessus, qui fait une ouverture, en fait, une sorte de puits de lumière, ça fait six branches qui se croisent. Je sais pas comment expliquer ça, c'est pas possible d'expliquer. Bah, un peu comme la boule de... Ah oui, boule la de boule pétanque. De pétanque. Qu'est-ce que tu disais? Ça fait comme si c'était une demi-boule de pétanque. Enflammée. Du coup, Parce qu'il y a 40 flammes qui sont les 40 tribus qui arrivent. Moi, j'aime beaucoup ce drapeau. Je trouve très beau. Il est poétique, je trouve. Et puis, on s'est levé pour petit déjeuner. Oui. Et puis, pour partir randonner. Il faisait froid. Ouais, il faisait très froid. Il faisait très, très, très froid. Il devait faire moins 2, un truc comme ça, quoi. Ah bah, avant que le soleil pointe son nez sur nous, c'était compliqué. Mais on est parti randonner. Ça allait mieux. Bah, le soleil s'était levé et puis on s'est activé. Donc, du coup, ça allait mieux. Ouais. C'était beau parce que c'était... complètement dégagé. Toute la chaîne de montagnes était dégagée. Contrairement à hier où c'était tout plein l'inverse. Non mais il faisait beau, mais en revanche le pic Lénine était recouvert de nuages. Donc là il y a un grand ciel bleu partout. On voyait vraiment toute la vallée de Allais. Presque on aurait pu voir le village. Et puis il faisait tellement beau qu'on a pris un peu le soleil, un peu trop le soleil. Ouais, pourtant, moi j'étais un peu camouflé. Mais... Bon, on était couverts et on avait mis la crème solaire, mais on s'est fait avoir, je pense, à la fin, on a oublié d'en remettre. Il faisait très chaud, très beau. Donc on a un peu la face toute rouge, quoi. Ça va passer. On n'est pas brûlés, on a juste pris un peu le soleil, quoi. C'est pas comme l'anglaise qui est dans la guest house ce soir, non, qui a bien pris le soleil. Il y a des gens qui ont des problèmes avec le soleil, je te le dis. Ils se rendent pas compte que c'est quand même pas si anodin. Oui, pensez à vous protéger du soleil, c'est un message de santé publique, parce qu'après sinon ça fait des cancers de la peau, et tu veux pas avoir ça. Oui, et puis dans un sujet complètement subjectif et qui n'a aucun intérêt, mais c'est pas très beau non plus hein, quand t'as la face complètement cramée, donc s'il y a que ça qui... Non mais ça peut être un argument, oui, pour certaines personnes. Qui aiment bien. Non mais oui, peut-être. Bon, aujourd'hui on devait aller au Traveler Pass, c'était censé être 6 heures de randonnée. Bon, on a mis déjà 6 heures pour arriver. On a fait 6 heures de randonnée. Oui, hein, mais on n'est pas jusqu'au bout. Parce qu'on a pris un peu le chemin des écoliers, quoi. Oui, c'était beau. Ah oui, non, mais c'était très beau. Dans plein de petits monts, là, qu'on n'arrêtait pas de descendre. Ah, ouais. C'était trop mignon. C'était pas la route la plus directe pour y aller, donc... Mais elle était moche, la route. Enfin, elle était moche. Ah ouais. C'était relatif, on restait quand même entouré des magnifiques montagnes. Mais C'était un truc en gravier fait pour les voitures. C'était moins charmant, disons. On a vu des marmottes. Oh, tellement de marmottes. On a dû en voir plus d'une quinzaine. Ah non, mais il y en avait partout. Oui, vas-y. Non, mais du coup, je me suis dit, peut-être avec mon sifflet, je vais essayer de pas de les attirer, mais au moins de pas les faire fuir. Donc, je tentais de siffler un petit peu, essayer de me rappeler un peu à la manière des marmottes. Et c'est marrant parce que ça les faisait sortir de leur terrier. Et puis, ça les intriguait. Elles nous regardaient du genre, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Et on a pu s'approcher vachement près, en fait, de Sorfan. Ah, c'était trop mignon. Oh, qui mangeait, là. Bah, c'est ça, parce qu'on a passé beaucoup de temps à s'occuper des marmottes, quoi. Donc, On était tellement émerveillés par les marmottes. Ah, ça m'a fait j'en ai jamais vu autant, même à la Clusaz, j'en ai jamais vu non, autant. Non, et puis aussi longtemps aussi, parce que d'habitude, au mieux tu les aperçois le temps qu'elle rentre dans son derrière parce qu'elle a peur. Mais là, on avait presque une communication. Ah ouais. Enfin, il se passait un truc, quoi. Et on n'avait pas raconté que hier, on en entendait une sous nos pieds qui grattait son terrier, quoi. Je croyais au début que c'était une sorte de grillon, parce que ça faisait un petit bruit un peu comme un... hyper régulier. Je me disais, c'est bizarre quand même. S'approcher, puis en fait, c'était une marmotte qui grattait. Donc, c'est trop drôle. Voilà, donc nous, on est émerveillés par ça. Donc, on n'est clairement pas allé au bout de la randonnée, qui apparemment était magnifique. Ouais. Mais on était déjà pas mal fatigués quand même de nos exploits physiques, hein, parce que 6 heures de randonnée à 3500 mètres d'altitude en moyenne. En n'ayant pas dormi la nuit d'avant. Ça reste un peu intense, quoi. Hein. Enfin, puis, pour on n'est pas des gros sportifs, faut quand même le rappeler. Ouais. Alors, on frappe à la porte. On a quand même fait du sport, enfin c'était quand même un peu physique. Oui. Donc ça nous a fait du bien, ça nous a un peu dérouillé, mais je sais pas si j'aurais été capable de monter. Parce qu'il fallait monter en plus. Il fallait reprendre 300 mètres d'altitude sur 2 heures, quoi, je crois. 3 heures de rando. De plus ? Les jeunes gens qui sont notre guest house disaient que pour y aller, il aurait fallu. Une ou deux heures de plus, quoi, de marche. Enfin, à leur allure, c'est des gens qui marchaient très très vite, hein, parce qu'on les a croisés. Enfin, ils nous ont dépassés deux fois, au début et à la fin. En fait, on est partis presque les premiers. Et on est rentrés presque les derniers, hein, faut le dire quand même. En n'ayant pas fait ce pour quoi on était partis. Mais bon. Ouais, mais après, on est tranquille, on s'est fait une pause déjeuner, tout ça. Oui, nous, on n'est pas trop du genre, ni pour la performance, ni pour dire « check, on l'a fait », quoi. Ouais. Ce qu'on a vu était très très beau. On s'est habillé avec les marmottes, on était contents. Ouais. On a eu un tout autre moment que les autres. Exactement. La dernière montée, là, j'ai quand même cru que j'allais mourir. Hein. Mais non. C'était intense quand même, non? Pour terminer, c'était pas mal. On déjà, s'est bien quand échauffé... t'es bien, bien fatigué, et t'as qu'une envie, c'était quand même de rentrer chez toi, enfin, dans ta voiture ou dans. Voilà. Mais c'est ça qui était dur, tu vois, parce que. Autant en Bulgarie, on avait fait quand même cette rando de 10 heures qui nous a bien lessivé, ok, mais on était plus en forme. Bah là, on n'avait pas dormi aussi, donc ça aide pas. Ouais, voilà, on n'avait pas dormi, il y a l'altitude en plus. Donc on n'a pas dormi, il y a l'altitude, et il y a un truc qui est un peu traître dans cet endroit, c'est qu'en général, quand tu fais une randonnée en montagne, tu pars d'un point bas, tu montes, et puis tu redescends. Donc même si à la fin t'es fatigué, t'es quand même en phase descente, donc même si c'est pas très très bon pour les genoux, ça reste quand même moins fatigant. Là, du coup, ben, il faut descendre pour arriver à la rivière, puis remonter pour aller où tu veux, après aller tout droit, ensuite redescendre, ensuite remonter. Donc en fait, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire tout à fait non plus dans un type de randonnée classique. Ce qui fait que la dernière descente, la dernière montée, pardon, était un peu de trop. Disons-le. Non, ouais. Mais c'était très abrupt et très rapide, quoi, surtout. Je voulais prendre sur notre GPS, je voulais regarder l'altitude en bas, pour savoir quelle était l'altitude en bas et quelle était l'altitude en haut de la montée, du coup. Pour savoir combien on avait monté en dénivelé, parce que c'est pas facile de se rendre compte visuellement, je trouve. Mais j'ai pas fait. Ah bah. Voilà, c'est très intéressant. Oh bah. J'appréhendais tellement cette montée que... Et puis on est arrivé au camp, quasiment en même temps que Sachi. Qui, elle a tout fait, hein, bien sûr, jusqu'au bout, mais... Plus sportif, quand même. Mais qui avait l'air fatiguée, quoi. Ouais. Donc ça avait l'air intense. Et en fait, comme demain on va à Auch et qu'elle a priori aussi, eh ben on partage encore la voiture. Et donc ça, c'est trop cool. On a cru qu'on allait crever un pneu. Enfin, j'ai cru. Tu as cru. Bah, le pneu a morflé, je pense, le jour sur la route de la mort. Et donc, il y a deux grosses entailles. Bon, il est pas à plat, quoi. Mais c'est pas beau à voir. J'espère qu'il tiendra encore 2 semaines. On a envoyé les photos à notre loueur. On lui a demandé ce qu'on devait faire. Il nous a dit, tant qu'il est pas à plat, tant qu'il n'y a pas d'air qui sort, vous faites rien. Ok. C'est des pneus montagne. Hein. Je pense qu'ils sont hyper épais en fait. Et à mon avis, ça. Enfin, c'est hyper épais, mais après, c'est un bon shoot quoi. Oui, mais ça a dû inciser un peu, mais en vrai, je suis pas sûre que ça a un impact. Enfin, ils voulaient déjà changer les pneus, enfin le pneu, aller au garage, en racheter un autre, tout ça. Enfin, la panique quoi. La panique. Non. S'il faut le faire, c'est chiant quoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas Ah, ça t'a pris un petit peu l'esprit quand même pendant la randonnée, j'ai senti. grave. Et sinon, est-ce qu'on dit qu'on a trop bien mangé? C'était bon, non, ce qu'on a mangé à chaque fois? Enfin, hier soir, dans tout. Bah, Ça s'est pas forcément, très bien passé. j'ai mangé double, j'ai mangé de ton assiette. Et alors, on sait pas trop si c'est l'altitude ou pas, mais moi j'avais pas mal de nausées. Je pense qu'on mangeait peut-être pas beaucoup par rapport à l'effort qu'on faisait aussi. Enfin, bref, il y avait un truc qui allait pas, et donc du coup, j'avais soit très très faim, soit beaucoup la nausée, soit très très faim, soit beaucoup la nausée. Donc. La route entre le camp de base, pas le camp de base, le camp de yourte et le village, le retour sur la vallée, quand on va vers le village, c'est juste magnifique. Dans les deux sens, c'était beau, hein. Dans un sens, on l'a vu, on l'avait beaucoup vu, parce qu'on l'a vu en arrivant au village, puis ensuite. Oui. Mais là, de voir tous ces toits qui brillaient en plus de loin et tout, enfin, c'était hyper beau, quoi. C'est un très joli endroit, même si c'est un peu excentré. Enfin, ça nécessite pas mal de routes pour y aller comparé au Ouais. reste du Kirghizistan. Bah, Et il n'y a qu'une seule route, quoi. Enfin, il n'y a pas de. c'est un endroit qui, a priori, est beaucoup fait par les gens qui traversent, enfin, qui vont aussi au Tadjikistan, au Ouzbékistan, quoi. Donc, du coup, ils concentrent dans cette région-là. Ce que nous on fait pas. Enfin, on va aller en Ouzbékistan, mais pas maintenant, quoi. N'a pas. Pas quand on sera à côté, en fait. Voilà, c'est ça, on a pas vraiment optimisé. On ira en train depuis Bishkek. on n'avait pas tellement le choix, il faut bien rendre la voiture à Bishkek, à un moment donné. Bah oui. Voiture déjà bien, bien poussiéreuse comme il faut. C'est horrible. Catastrophe. Mais bon, on doit la déposer là où elle doit être lavée. Oui, c'est ça. Donc ça va, on n'a pas à s'en soucier. Sinon, on consomme pas mal d'essence, hein. J'avais pas anticipé le fait que ça allait nous coûter autant d'argent. Ah bah, si tu L'essence. veux, c'est un 4x4 qui est constamment en 4x4. Donc, tu consommes beaucoup. Oui, et puis à l'altitude aussi, c'est ce que tu disais. Il me semblait que plus tu montes en altitude, plus tu consommais en carburant. À vérifier, parce que je suis une idée comme ça. Et aussi, bah, beaucoup de montées et de descentes. Enfin, de montées, parce qu'en descente, tu consommes moins, mais Oui, forcément, bah là on a bien monté quand même. on a fait beaucoup, voilà, de haut et de bas. Bon, pour l'instant, ton impression sur le Kyrgyzstan? C'est beau. C'est beau, mais c'est vrai que, comme tu disais, on s'est pas encore retrouvé, à part le premier soir, mais un peu perdu au milieu de nulle part. Enfin, il y a toujours vraiment une grosse présence humaine, parce que, bah, voilà, on a suivi des axes principaux et touristiques. Non, mais même au-delà de ça, même quand on a pris les petites routes pour aller la route de la mort, enfin, tu vois, ça peut être très reculé et pas du tout touristique. Enfin, tu vois, ce côté-là de la réserve, elle l'est pas du tout. Et pour autant, c'est juste qu'il y a des habitants, enfin, il y a des gens, quoi. Donc au final, même si c'est pas des grandes villes. C'est très habité au final. Alors peut-être qu'en effet, parce que c'est sur une route principale où on n'est pas trop loin, donc c'est assez habité, peut-être que toute la partie centrale sud, je pense, est beaucoup plus déserte. Mais on s'en rendra compte Elle est quand on très sera à montagneuse. Tajrabat. Elle est très montagneuse. Oui, c'est possible, mais c'est pour ça que c'est du coup plus désert. Oui, mais du coup, pas vraiment vivable. Bah, vu les conditions dans lesquelles ont l'air de vivre les nomades, ils n'ont pas besoin d'avoir des conditions. Enfin, ce que nous on appellerait vivable et ce qu'eux appellent vivable ne sont pas tout à fait la même chose, quoi. C'est sûr. On verra bien si on arrive à être un peu plus excentré au milieu de nulle part. Peut-être à son cool, je crois qu'il y a que c'est assez au milieu de nulle part. Et comme on est plus dans la saison touristique, peut-être qu'on croise à moins de gens. Mais en tout cas, on n'a pas fait de route, enfin, on n'a pas roulé dans la steppe, à se retrouver au milieu d'un effet de personnes pendant des kilomètres et des kilomètres, ce que j'avais un peu en tête. Bah ça c'est plutôt la Mongolie alors, hein. Non, non, mais il y a Non? aussi ça ici, je crois, mais c'est juste que là, c'est pas encore ce qu'on a fait, peut-être parce qu'on est resté concentré sur la partie. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'au Kyrgyzstan, du coup, même la steppe, enfin les plaines sont petites. Sinon, c'est très vite des grosses collines, des montagnes et des Bah, c'est steppes plus petit que montagneuses. la Mongolie, oui, c'est sûr. Donc, en effet, t'as des moins grandes étendues de steppe, c'est sûr. Parce que là, la vallée d'Altaï, elle est hyper large. Et du coup, t'as quand même une grosse étendue de steppe. Oui. Mais bon, bah, t'as des poteaux électriques qui la traversent. Donc, si tu veux, tu te sens pas non plus perdu, quoi. Mais ça reste que voilà, c'est assez époustouflant comme paysage. Et surtout, ouais, c'est changeant, quoi. Donc, c'est chouette. Voilà, donc demain, on y reste une nuit, au moins. Oh, le temps de faire une lessive déjà. Moi j'aimerais bien prendre une vraie douche, parce que là, bah, ça fait que des douches à l'eau froide là, pour l'instant. Même le premier jour, tu l'as fait l'eau froide? Ouais, Ici? quasiment, tu sais. Faut pas que je passe en dernier. Ouais, bah là en plus, on était nombreux, donc Ah oui. comme t'es passé le dernier. Ouais, et puis bah, voir un peu la suite de notre périple aussi, puisque même si on a tracé les grandes lignes de ce qu'on allait faire, on n'a pas forcément tous les détails, notamment si on veut faire des randos et tout, donc faut qu'on regarde un peu ça. Et puis voilà. Ah bah oui, là je pense qu'on va bien dormir. Ouais. Je me demande si je suis pas un peu enrhumé. Ouais, je... On a retrouvé notre petite chambre à la guest house du CBT. Elle nous attendait. Ils sont tous concentrés dans des dortoirs tout petits et nous on est tout seuls. Dans un grand lit. Ouais. Septembre 2019. On est à Hoche. Donc la nuit du 7 au 8 septembre a été la pire de ma vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, on peut dire que j'ai une bonne gousse gastro. Voilà. On a quand même réussi à endiguer ça avec, avec des médicaments. Mais le lendemain, ouais, c'était un peu dur, quoi. Donc, Ça a aidé, en fait. On a pris la route pour aller à Hoche. On n'avait pas tellement le choix parce que, pour plein de raisons, de une, on n'avait plus d'argent pour payer la chambre de façon à Saint-Emogol, on n'avait plus de liquide, donc on pouvait pas rester. De deux, on avait promis à Sachi, la demoiselle japonaise, qu'on avait pris un stop pour aller jusqu'au lac, de l'emmener à Hoche, donc on avait fixé une heure, il fallait qu'on y aille, quoi. Donc ça a été, en fait, tu t'en es bien sorti? C'était ouais, pas mal sur la route? Ouais, ça va. Non, ça peut être pire. C'est vrai que... un peu bien crevé, quoi. Après, Ça faisait deux nuits qu'on dormait quasiment pas. Oui, là ça commençait à faire beaucoup. Plus déshydratation extrême et peu manger finalement. Peu de nutriments assimilés. Donc arrivé à Hoche, bon, on s'est couché quoi immédiatement. On s'est posé, ouais. Bon, on est allé manger. Et ensuite, ouais. On s'est posé, dormir un petit peu. Ouais. Et ensuite, fièvre. Oui, c'était cool. C'était cool. Donc voilà, aspirine, ça a bien marché aussi. En vrai, normalement, il vaut mieux éviter l'aspirine parce que c'est pas très bon pour les reins, surtout quand vous êtes déshydraté. Mais il y avait. Qu'on avait plus de paracétamol, donc. Voilà. Pourtant, c'est pas qu'on en consomme beaucoup, hein, mais je sais pas, on a mal géré notre stock. Bon, en tout cas, je dois dire que, avant tout, la combinaison. Diosmectite, l'opéramide et de. Je sais plus, le Mercalm, c'est du. Mercalm, tant pis. Sinon, pour les gens, tu peux leur donner les noms, tu sais, qu'ils peuvent demander à la pharmacie parce qu'ils ne se souviendront jamais de ça. Ça existe en. En générique. Oui. Oui. Je veux pas donner des noms de marque. Mais sauf qu'ils n'arriveront jamais à dire ce que tu viens de dire parce que c'est si, pas. Si, ils vont prendre des notes. On va mettre en arrière, on va écrire. Si tu. Putain. Bon, bref. Un antinauséo. Non, ça a marché. Et donc voilà, on n'a pas du tout visité Hoche pour le moment. Peut-être que demain, nous irons faire le free walking tour. Tu as chaud aussi? Non, je me sens pas bien. Mais moi, je me sens pas très bien depuis 3 jours. Donc, dès que je mange, ça va, hein. Il se passe rien. Mais j'ai juste très souvent nausée. Donc... Et non, je vous vois venir, voilà. Je vous vois venir, tous. Non. Ils vont croire qu'on va revenir avec un petit truc. Après. Bah, peut-être un petit truc qu'on aura volé sur la route, on a dit. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits trucs trop mignons. Mais pas un petit truc que je vais faire grandir dans mon ventre. Voilà, et on a regardé la météo pour prendre la route et vers Narine. Oui, mais je sais pas si on a expliqué qu'il y avait un pass, du coup. Il y avait une route pour aller jusqu'à... En fait, il n'y a qu'une seule route pour aller jusqu'à Narine. A priori, il y a un col, du coup, le loueur de nos voitures nous a dit « faites hyper attention, vérifiez la météo avant, etc. etc. » Du coup, on a un peu paniqué. Enfin, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Ça se trouve, ça va être beaucoup plus simple que la route de la mort qu'on a prise la dernière fois, mais bon, on ne sait pas. Donc, et sur Internet, on n'a pas trop vu d'informations. Mais après, oui, c'est une route avec de l'argile et de la caillasse. Donc, en fait, dès qu'il pleut, ça devient de la boue, c'est hyper glissant, enfin, ou t'embourber ou tomber, quoi. Ouais, voilà. Donc il vaut mieux qu'il fasse beau les 3 jours précédents. Ce qui fait que là, aujourd'hui, demain, il pleut. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait... Nous allons. Arslanbob. Qui était sur notre liste de choses à faire, mais on s'est dit que peut-être on le passerait parce qu'on a beaucoup de choses à voir et que ça nous fait un petit détour. Mais du coup, là, c'est l'occasion de faire un petit tour parce que bon... Hoche, on n'a pas vu grand chose, mais c'est une grande ville avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de voitures. Voilà. Pas tout oui, là, pour l'instant, c'est pas ce dont on a besoin. Ni envie. Là, Et puis on a pris 2 nuits supplémentaires à Auch aussi pour vraiment se reposer après ce qui s'est passé. Et puis bah, un petit peu avancer aussi sur le reste qu'on n'a pas fait parce qu'on n'avait pas de quoi se poser, pas d'internet, enfin pas de bon internet, ou en effet on n'était pas bien. Après on savait que le Kyrgyzstan serait potentiellement un peu reclus, ce qui en fait n'est pas vraiment le cas parce qu'il y avait de l'internet même au camp de base du Pic Lénine. Ouais, enfin il y avait l'internet, il y avait du Edge sur notre carte SIM locale, quoi. Non, mais il y avait un spot Wi-Fi sous une yourte, tu sais, il y avait un... Ah bon ? Au camp de base, ben, on l'a vu le gros logo Wi-Fi, tu m'as dit, même toi qui m'a... Ah, au camp de base, oui, mais nous, on n'y était pas. Non, mais on y est passé, oui, on a vu que même à 4000 mètres d'altitude, il y a du Wi-Fi, quoi. Donc, si tu veux, maintenant, aujourd'hui, c'est beau être... Il n'y a plus d'excuses. Ouais. Vu qu'on voulait se reposer là, voilà, on va en profiter pour un peu avancer sur notre digital work. Si on y arrive et qu'on ne se laisse pas entraîner dans la spirale infernale de This Is Us. Si on s'attable à un café, on est obligé de... Parce que si on reste dans notre chambre, dans notre lit... Non, ça c'est faux, pas faire ça. On a du mal après à se motiver. Ah, et puis bon, bah, je pense que depuis... Enfin... Queen, forever. Ouais. Quand vous écouterez voilà, ce podcast, on sera déjà, a priori, sur le site Allo la Planète. La web radio Allo la Planète. Bah, quand ils écouteront ce podcast, on sera sûrement au Laos aussi, parce que du coup, le temps que ça arrive... Au Laos, oulala, mais non, on sera en Australie. Donc, bah oui, non, mais on est trop contents, quoi. C'est chouette, hein, d'être sur une web radio. Ça fait trop plaisir. Mm-hmm. Il y a d'autres podcasts, d'ailleurs, sur cette web radio, sur plein de... Je crois qu'on en a déjà parlé. Sur des gens qui travaillent... Qui voyagent. Mais d'autres aussi... Enfin, il y a aussi sur des gens qui travaillent en voyage, enfin, des digital nomades, ou des trucs comme ça. Le thème principal restant le voyage, du coup. Ouais. Ouais, c'est cool. Et puis, voilà. Bah, qu'est-ce qu'on a à dire de... Je suis mal au cœur. Voilà. Le latte, c'était de pas être... Mais ça, tu le sais. Depuis qu'on est parti, tu te dis, il faut pas que je prenne de latte, tu prends des lattes. Mais oui, mais parce que j'aime ça, tu vois, c'est un peu compliqué. Surtout au risque d'avoir une paille en plastique à chaque fois. Ah là, on a encore eu une paille en plastique la dernière fois, vous y croyez ? Qui boit ? On l'a déjà dit ça ? Oui, non, mais on peut le redire. Qui boit des boissons chaudes avec une paille en plastique ? Qui fait ça ? Et surtout un latte. Oui, non, mais même, c'est hyper agréable de boire chaud avec une paille, c'est dangereux déjà, parce que tu peux te brûler. Ça n'a aucun sens. Là, c'est pas le cas. Là, on est dans un petit café, bobo comme il ne faut pas. Ah oui, avec oui. Des luminaires où c'est des pôles de confiture. Quoi. Vraiment, genre le beau parisien par exemple. Bon, là, à part quelques éléments de déco, tu te crois pas trop au Kyrgyzstan. Non, mais en revanche, non, ils vendent beaucoup de. C'est une espèce de petite boutique où ils vendent de l'art local. Donc, en effet, il y a des petites tentures qui sont très jolies. Et des sacs, des chaussures, des trucs. Mais sinon, oui, on est plus sur une carte européenne quand même. Il y a des burgers végétariens. Ouais. Ça veut tout dire. C'est clair. Et on s'est tous retrouvés là, tous les gens de l'auberge de jeunesse sont venus déjeuner là, petit déjeuner. J'ai l'impression. Ah, c'est tout. Il y a tout Queen qui passe. On va laisser la tête tout le temps. Je voulais dire aussi merci à ceux qui ont regardé notre vidéo, celles et ceux qui ont regardé notre vidéo, parce qu'on a dépassé les 300 vues. Ce qui est cool pour nous, parce qu'on n'est pas encore non plus. On n'a pas des grosses influences, mais. Même pas du tout. Pas aucune influence. Enfin, si, peut-être. Petit rayonnement, on sait jamais. Non, mais voilà, c'est chouette. Et ça motive à continuer. Donc, on va continuer. Promis. Peut-être un jour, tu vas réussir à. Avancer sur le deuxième épisode. J'ai beaucoup de rush pour le deuxième épisode. Donc, on avait beaucoup filmé, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'était parce que c'était chouette aussi. On avait plein de trucs à dire, plein de trucs à voir. Clairement, c'est. Donc, ça demande un peu de travail. Ouais. Il faut l'écrire et tout. Et puis, après, il y aura les podcasts à monter. Ouais. Voilà. Mercredi 11 septembre 2019. Tiens, c'est le jour du jugement de Vincent Verza, là, de partager, c'est sympa. Ouais. J'espère qu'il va s'en sortir, hein, parce que c'est complètement absurde. Terrorisme, quand même, hein. On en est là. Ouais. Pour avoir décroché un portrait de Macron dans une... Non, non, il a même pas... Il a documenté, il a filmé l'événement. Oui, enfin, il était sur place avec eux, quoi. Il était sur place avec eux, mais c'est pas lui qui a décroché le portrait de Macron. Alors, bon, déjà, que tu risques 50 prisons, 75 000 euros d'amende, je sais plus. Déjà pour ça, pour décrocher un portrait, pour dénoncer l'inaction. L'immobilisme du gouvernement, c'est quand même un petit peu exagéré. Non, mais enfin, il est jugé c'est quand absurde. Même comme un mec qui a tué des gens, quoi. Aye, oui. C'est fou. Pas par les mêmes personnes, par les mêmes civils. Enfin, ouais. Donc voilà, le mec il fait des vidéos, il fait un boulot de journaliste au final. Il est très très bon d'ailleurs. Ouais. Voilà, allez voir la chaîne, hein. ils sont trois dessus. Partager, c'est sympa. Et ouais, on aime beaucoup. D'ailleurs, on n'a pas vu le dernier sur l'effondrement. Non, on a du retard à rattraper. Déjà, on a rattrapé tout et tout le monde s'en fout. Ouais. Et c'était trop bien. Ouais. Si vous connaissez pas, allez voir la chaîne et tout le monde s'en fout. Nous avons passé 3 jours à Auch dans le but de se reposer après ce qui s'est passé. Parce que, bon, moi je me suis rétabli, mais toi t'as été un petit peu mal aussi. Ouais, enfin, rien de. Pas en rapport. Juste des problèmes d'estomac que j'avais déjà avant. Qui viennent, qui repartent. Mais on en a surtout profité pour bien bosser hier. Oui, par contre, du coup, hier on était un peu plus en forme et on avait quand même du boulot à faire. Notamment pour la web radio Allô la planète, il fallait qu'on envoie des choses. Donc c'est bon, c'est envoyé. Bah, on s'est quand même rendu compte qu'on avait un petit problème technique, potentiellement. C'est-à-dire que bon, je commençais à me dire qu'il faut quand même qu'on regarde un peu comment ça se passe pour notre visa pour la Chine, même si c'est dans un mois et demi. Mais bon, ça peut prendre un peu de temps et tout, savoir où est-ce que c'était mieux de le demander, est-ce que c'était mieux de le demander à Bishkek ou à Tashkent ou à Almaty. Et en fait, il s'avère qu'il n'est pas possible de demander un visa chinois quand on est touriste en Asie centrale. Voilà. Tu peux être résident d'Asie centrale et obtenir un visa pour la Chine. C'est peut-être compliqué aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, a priori, le fait qu'on soit de passage, qu'on ait un visa touristique dans un des pays d'Asie centrale et qu'on fasse une demande au consulat ou à l'ambassade de visa chinois fait que c'est impossible de l'obtenir. Donc, on a essayé de creuser un peu la question de savoir comment est-ce qu'on allait s'en sortir. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Une, c'était une agence privée qui est basée à Shanghai et qui fait des demandes de visa. Parce que le problème, c'est que le visa chinois, il a besoin de prendre ses empreintes. Donc, en plus, on ne peut pas trop le faire à distance à l'ambassade. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, nous, on n'a pas tellement envie d'envoyer nos passeports en France, en fait. Juste parce que si ça se perd, je sais pas, ça me paraît fou. Puis bon, on n'a pas non plus un temps incroyable, quoi. Donc, bon, bref. Donc, cette agence en question, elle dit qu'en effet, elle pouvait faire la demande, mais elle n'envoie pas le visa, parce qu'elle envoie par courrier. Elle n'envoie pas dans un des pays d'Asie centrale, parce que le système postal n'est pas assez fiable. Donc, voilà. Donc, les autres solutions sont aller à Moscou. Donc, c'est-à-dire revenir quand même clairement en arrière. Très loin. Très loin en arrière, oui. Apparemment, c'est assez facile de l'obtenir, mais bon, ça n'empêche qu'il faut quand même y aller à Moscou. Et puis, il faut obtenir son visa russe avant. Aller en Mongolie, mais apparemment, c'est hyper dur de l'obtenir aussi, donc c'est possible, mais c'est juste qu'il faut s'armer de patience, il faut être à l'ambassade tout le temps. Surtout que pour aller en Mongolie, il faut avoir le visa russe pour traverser la Russie. Même si c'est qu'un visa de transit, ça n'empêche qu'il faut un visa. Il faut quand même un visa russe. Et il faut un visa mongol. Voilà. Donc, c'est-à-dire avoir 3 visas pour aller au Laos, parce que enfin 4 visas du coup. Et la dernière option, prendre l'avion. Bah, ce serait un peu la dernière option. Cela dit, je pense que malgré tout, je préférerais prendre l'avion plutôt que de revenir à Moscou. Ça me paraît tellement absurde de faire tout ce chemin en arrière. Enfin, en attendant de prendre notre décision, on a envoyé quand même un message à l'ambassade chinoise à Bishkek pour savoir ce qu'il en était, en espérant qu'ils répondent déjà et que potentiellement soit positif. Sinon, on a entendu dire aussi qu'il était possible de tenir son visa en Russie dans une ville qui est plus proche du Kazakhstan, qui nous empêche, qui nous évite d'aller d'aller jusqu'à Moscou. Donc j'ai aussi envoyé un message au consulat chinois pour savoir si c'est possible. Ce qui nous ferait prendre le train du coup pendant 20 heures. C'est une grosse journée de transport, mais voilà, on le demande, on peut y aller, je pense que c'est assez rapide, donc 4-5 jours, et puis on repart quoi. Mm. Et sinon, bah, on regardera le prix des vols, puisqu'il nous fait un peu mal quand même. En fait, il est possible de demander son visa depuis la Géorgie. Le problème, c'est que bah, nous, on ne le savait pas, donc on n'a pas trop anticipé la question. En fait, on avait dit qu'on ne passait pas à la base, on devait quand même prendre le Transsibérien, aller en Mongolie. Mais on avait dit qu'on ne le faisait pas, parce que pour aller en Chine, c'était hyper galère d'obtenir son visa chinois depuis la Mongolie. Bon, il s'avère que c'est le chemin qu'on a pris est pire. Ouais. Ouais. Non, mais c'est pas que pour ça aussi, c'est parce qu'on on avait choisi de visiter le Kyrgyzstan à la place de la Mongolie. C'était oui, mais c'était peu... aussi parce que le visa était compliqué et qu'on savait pas trop comment s'en allait s'en sortir. C'est rentré dans la balance. Donc, mais si on avait demandé notre visa en Géorgie, il y a aussi une question de délai. Oui, mais alors apparemment, maintenant, il est valable X temps. D'accord. Pas comme ce que j'avais lu en France, où ton visa est valable 30 jours. D'accord. Pour 30 jours. Donc, Ah oui, d'accord. Okay. Là, il serait valable plus que ça. Je sais pas. Mm. C'est un peu compliqué, ces histoires de visa. Sachant qu'on veut juste traverser. Hein, on veut pas rester en Chine, en fait. Oui, s'ils veulent pas de nous, il n'y a pas de souci. Nous, on sera discret, quoi. Mais voilà. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est soit la Chine, soit l'Afghanistan et le Pakistan. Ah ben, il nous laisserait peut-être plus facilement passer, c'est sûr. Soit changer notre programme et du coup pas aller au Laos pour faire notre documentaire. Donc, Ouais. Oui, bah oui, sinon c'est ce qu'on s'est dit aussi. Hein. C'est pas décidé. Mais on attend d'avoir un peu plus d'informations en espérant que ce soit pas... Mais dans tous les cas, même si... Enfin, ce que vous disiez, c'est même si on va pas au Laos, enfin, faudra qu'on passe par la Chine à un moment donné. Oui, mais du coup, on pourrait en effet traverser la Russie, prendre le Transsibérien, aller jusqu'à Vladivostok, ensuite aller au Japon. Et en fait, aller en Asie du Sud-Est après le Japon. Ce qui serait possible et ce qui était le chemin initial qu'on avait imaginé. Donc, ouais. Voilà. Eh bien, à suivre, là nous partons pour Arslan Bob vers 11h. On a 3h30, 4h de route. Ça a l'air très joli. C'est une région avec des noix, des pistaches. Et on emmène notre copine japonaise avec nous, parce qu'elle y allait aussi. Et on est censé prendre le Kazerman Pass vendredi, si tout va bien, s'il a fait beau. A priori, d'après la météo, tout va bien se passer. Pour rappel, Kazerman Pass est censé être une route très dangereuse s'il a plu avant. Donc il faut bien vérifier que ce soit sec. Voilà notre état. Mais sinon, t'as avancé sur le montage du deuxième épisode et moi j'ai avancé sur le dernier podcast. Oui. Donc, c'est bon. On a été productif. Alors après, la prochaine fois où on va être productif, on sait pas quand est-ce que ce sera parce que... On a aussi contacté une association féministe de Bishkek. On va voir si elle nous répond. Potentiellement un sujet intéressant à faire parce qu'il y a montée de la prise de conscience féministe au Kyrgyzstan, parce qu'a priori c'est pas encore ça. Hein, même s'ils ont eu une femme présidente, hein. Mais il y a encore oui, beaucoup de, notamment de kidnapping de femmes pour se faire marier de force dans les villages. Enfin, qui sont kidnappées en ville d'ailleurs et qui sont ramenées dans les villages pour se faire marier de force. Quoi. Ouais, c'est assez fou, c'est pas jojo. Hein. Non, c'est pas... Mais bon, peut-être que justement avec la nouvelle génération ça va changer. C'est sûr, ça va changer. Parce que c'est le traditionnel, quoi. Qui... Bah, c'est vrai qu'il y a quand même un énorme décalage entre la campagne, enfin, on sent en termes de vie, de style de vie, et du coup, peut-être d'accès à l'information, et... Ah bah oui, oui. Voilà, entre la campagne et la ville. Enfin, encore beaucoup plus qu'en France, quoi. C'est sûr. Mais tu le vois... Non, mais ça se voit, mais... À Bishkek, c'est... finalement, ça... Je dirais pas que c'est occidental, mais c'est quand même quoi. Enfin, ça, ah oui, ça même fait, ici, même à Hoche, hein, au final. Oui, oui, alors que Hoche est censé être beaucoup plus traditionnel. Et conservatrice, oui. Alors peut-être dans la mentalité, mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, architecture, accès à tant d'attentes de commerce, ça. Enfin, oui. En tout cas, d'impression, ça semble accent chinois. Exactement. Donc finalement, bah, on ne pourra pas vous dire grand-chose de Hoche, parce qu'on n'a pas visité. Après, moi, c'est vrai que les grandes villes, ça m'angoisse un peu ici. Ouais, ouais. Enfin, bah, globalement, après, mais... Si c'est très vendu, il y a genre 3-4 trucs à voir, a priori. C'est assez curieux comment ça fait, il y a des gros pics rocheux au milieu de la ville. Mais c'est tout comme Bishkek, quoi. C'est vert, il y a des parcs, il y a beaucoup d'arbres. Et bah c'est tout. Bah, et je pense qu'on à Slanbaum, on va trouver un petit spot pour camper un petit peu, parce que ça fait un moment. Maintenant qu'on est... Enfin... Non, t'es pas trop rétabli. Oui, mais ça changera pas grand-chose. Pourquoi je dors? Non, mais c'est sûr, mais quand t'es mal, c'est vrai que d'être dans un vrai lit, c'est quand même peut-être plus agréable. Non, ça ira très bien. Et bah oui, mais parce que aussi pour notre budget, quoi. Le budget du Kyrgyzstan a explosé. Bah oui. Donc, voilà. On va faire un petit peu attention à notre histoire. On est en fin d'après-midi. On est enfin arrivé à Arslanbaum. Tout à fait. La route était un petit peu chaotique sur la fin. Ah bah, si on peut appeler ça une route, hein. Parce que je sais plus si on a parlé des routes en Géorgie et de la conduite des Géorgiens. Ça, je me souviens qu'on en a parlé. Oui. Mais je sais pas si on a parlé de la conduite des Kirghizes. Qui en fait démontre qu'en Géorgie, ça reste un bordel, mais bien organisé. Ici, c'est un petit peu quand même un peu chaud. Ouais, les gens font un peu n'importe quoi quand même. Ce midi, on a eu un peu de mal à trouver de quoi manger. Donc on s'est arrêté dans une petite gargote. Ah bon, on était immergés. Après, ce qui m'est arrivé, c'était un petit peu audacieux, je pense. On va voir si tu passes la nuit. Jusque-là, ça va. Donc moi, j'ai une soupe avec un os de je sais pas quoi qui trempait dedans. Si vous entendez les bruits de plastique, c'est que je suis en train de ramasser par terre du plastique. Voilà, donc on est arrivé. On est allé au Sibiti. On a demandé où est-ce qu'on pouvait randonner, camper, tout ça, tout ça. Donc on avait plein d'informations intéressantes. Et on a décidé d'aller se balader dans la forêt de Noyer. Et forêt tout court, d'ailleurs, mais... pour aller rejoindre un petit lac. Et on a fait, 100 mètres, 200 mètres. Là, t'as rempli ton sac déjà. Plus, je ne vais pas pouvoir remplir plus. Je me demande si je vais pas le laisser là et tu le récupérer en descendant. Il me trimballe. Oui, il est plein. Les gens sont des porcasses. Je suis désolé, je vais juger. Je pense qu'il y a à la fois des locaux, à la fois des touristes. Hein. À mon avis, il y a les deux. Et c'est vrai qu'ici, ils te disent qu'ils veulent préserver un petit peu leur environnement, c'est ce qui est bien, ce qui est normal et tout, mais il faudrait qu'ils fassent peut-être un petit peu plus d'efforts sur le ramassage des déchets, juste. Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de poubelle avec du ramassage de déchets. Souvent, c'était un trou au milieu du village ou dans la montagne. Chemin, quoi. Enfin, voilà. En plein milieu dans la montagne. Donc du coup, de ce sac, on ne sait pas trop quoi en faire, parce qu'au final, si c'est pour qu'il retourne au milieu du chemin... Alors, ceci dit, moi, je suis d'accord avec le fait, des fois, de se dire ça ne sert à rien, parce que ça va se retrouver dans tous les cas à un endroit, dans la nature. Je suis d'accord, en même temps, c'est plus centralisé, c'est-à-dire qu'on a regroupé dans un certain volume plusieurs déchets plastiques, alors que tous les autres déchets, sinon, ils s'éparpillent un petit peu partout dans la nature. Donc je me dis, potentiellement, ils vont polluer beaucoup à un seul endroit, en espérant que ça ne s'infiltre pas trop dans les nappes phréatiques, ça c'est un problème. Mais on fait la même chose en France, de toute façon. Hein. Les déchets, ils sont enfouis aussi, quand ils ne sont pas brûlés, ou ils sont dans des décharges. Il n'y a rien qui fait que... Enfin, ça reste dans la nature. Chez nous, c'est brûlé, non, quand même, majoritairement? Je ne sais même pas, remarque. Je sais pas la proportion exactement. Là, je ne veux pas dire de conneries, donc... C'est facilement vérifiable, hein, dans tous les cas. Sauf qu'on n'a pas Internet, donc on ne vérifiera pas. Oui, bah vous vérifierez chez vous, hein, en allant sur Wikipédia ou autre. Donc je me dis, bon là, de toute façon, on va le garder, peut-être potentiellement en trouvant peut-être une poubelle dans une petite ville. Mais jusque-là, c'est vrai que c'est ça. Je ne sais pas, au Kazakhstan, on n'a pas eu le temps de voir, mais en tout cas, au Kyrgyzstan... À Bishkek, si, il y avait des poubelles. Oui. Non, mais oui. La capitale, quand même. Ça, c'est bon. Je vais me poser là. Les gens, ils vont croire que tu viens de poser ton sac de déchets. Toi, ils font quoi avec leur petit sac les... Salut. Bye. Enfin, bye bye. Bonjour. On arrive. On arrive. Ouais. Bref, donc on a fait le chemin avec Sachi, qu'on a déposé au Sibiti, qu'on va récupérer à vendredi, normalement, pour repartir. On a eu un petit message de la part de notre loueur de voiture qui nous indiquait qu'il fallait pas qu'on aille au Kazerman Pass aujourd'hui. Parce qu'il y avait la neige et qu'il était fermé. Alors, c'est pas Kazerman Pass, on dit ça depuis le début. En fait, c'est le Kadalma Pass, parce que c'est la montagne de Kadalma. Et Kazerman, c'est le village qui est juste après le col, ce passage qui est un peu dur. Ça s'appelle comme ça. Et en fait, quand on est arrivé sur la route pour arriver à Arslan Bob, on a vu les montagnes au loin avec saupoudrées de neige. C'était assez joli. Et bah, je pense que c'est à peu près la même altitude. C'est pour ça que oui. La passe est bloquée. Je pense même que... Hi. Hello. Je pense même que c'est la même chaîne de montagnes. Ce qu'on voyait depuis qu'on est parti de Hoche, ouais. Une énorme chaîne de montagnes en face. Donc, je pense que c'est la même. C'était très beau, il y avait la steppe. La steppe avec des collines. Donc ocre, aride. Et au loin, les montagnes enneigées. Très beau. Et donc là, on se balade sur un petit chemin où on se croirait ben, en France, quoi. C'est-à-dire que la température, les couleurs... La végétation. Ah oui. Cette espèce de petite humidité sous les arbres, comme quand tu marches en forêt. Je dirais, c'est un petit chemin qui sent la noisette. Exactement. C'est fort agréable, d'ailleurs. Là, il y a des noix, là. Donc ça y est, elles sont mûres. Ah, de toute façon, c'est mi-septembre. Ouais. Le CBT peut d'ailleurs t'organiser un séjour dans une famille et aider à les récolter. C'est chouette, ça. J'aime pas les noix. T'aimes pas les noix. Tu n'es pas obligé de les bouffer pendant que tu les récoltes. Non, mais déjà, on va aller visiter un... Un moulin. Un moulin de noix. Ouais, une famille qui fait son huile de noix. Ouais, ça va être chouette. Puis demain, on va faire une rando. Parce qu'au final, on reste pas si longtemps que ça. Enfin, non. On restera plus longtemps si on peut pas aller... Enfin non, parce que si on peut pas aller à Casermann, on va souvent faire le détour. Mais... Bah, ça nous fait un détour qui... nous fait passer par 50 km au sud de Bishkek. Autrement dit, ça nous fait vraiment revenir quasiment au début. Pas tant que ça, parce que la route aux abords de Bishkek, elle est vraiment bordélique. Donc on va pas la prendre, c'est sûr. Bon voilà, on va voir. Vendredi matin. Dans tous les cas, il faut qu'on prenne la même route pendant une heure. Et puis bah, peut-être quand on aura du réseau, on saura. Oui, parce que du coup, il n'y a pas d'internet... Il n'y a pas de wifi, ça c'est sûr, à aucun endroit dans Arslan Bob. Mais il n'y a pas non plus, contrairement à ce que disait le guide, pas non plus de réseau tout court. Donc ma carte kirghize ne sert pas à grand-chose. Donc on ne saura pas tout de suite. Mais notre loueur va nous indiquer quand est-ce que la route... Enfin, vendredi matin, si la route est ouverte ou pas. Ce qui est plutôt chouette. Où qu'on va, je sais pas. C'est bon. Moi, je dirais à droite. Ça n'a pas tenu. On a posé notre campement sur le parking du camping officiel, on va dire, ouais. Gratuit. Et on est au bord de la rivière, comme vous pouvez l'entendre. Ah d'accord, je vais vous parler. Ouais, je sais, je suis au courant, merci. Je trouve ça bizarre aussi que tu dises « ouais », comme ça, genre un peu vénère. On s'est fait rejoindre par un van. Apparemment, c'est deux Allemandes qui campent à côté de nous. Et Vincent s'est mis en tête de faire un feu. On n'en a pas besoin, hein. C'est juste pour le plaisir de se dire « je vais y arriver ». Deux choses. Oui, le plaisir de faire un feu, mais aussi de tester notre pierre à feu. Parce que je me dis, le jour où on est dans l'urgence, qu'on a besoin de faire un feu, eh ben, ça serait bien de savoir un petit peu que c'est chiant. Bah, il n'y arrive pas. Faut le dire quand même. Petite table et tout quoi. Bah et non, elles ont un van aménagé. Donc nous on galère à faire le feu là, tu crois qu'ils nous inviteraient? Tu rigoles, on a dit qu'on voulait parler à personne. Exactement. Mais oui. Donc bah du coup tu fais quoi? Tu continues, t'abandonnes? Parce que bientôt la pierre à feu aura disparu tellement il l'a usée déjà. Ça va, il y a de la marge quand même. Mais je voudrais y arriver. Ouais, je suis un peu persévérant mais... Non mais t'as raison, faut essayer. C'est pas évident hein. On peut pas vraiment vous demander des conseils, parce que quand on vous écouterait ça, on aura déjà... on sera déjà mort bouffé par un ours, mais parfois... Voilà. Je sais de l'autre côté. Ça, c'est la prise au vent. Peut-être. Ça fait des belles flamèches, mais... Il y a rien qui part. Vous savez, c'est quand même dingue que parfois, un incendie de forêt, ça prend avec rien. Enfin, un mégot quasiment éteint. Nous, on a des flammes... de malade, enfin des flamèches de malade, il n'y a rien qui part quoi. Ce serait pas bon pyromane a priori. Hein. flambé, saloperie. Allez. Presque là. C'est épuisant en plus apparemment. Ouais. On a tout essayé. Hein. Le papier, la bouse de vache sèche, ouais. Les feuilles, les branches. Comment ils ont fait les hommes préhistoriques? A priori, ils étaient meilleurs que nous, quoi. Oh. Oula! Ah, merde. Bon, si vous n'avez plus signe de nous, c'est qu'on aura brûlé, parce que Vincent nous aura mis sur... à tout le parking. Peut-être que tu es plus proche, ouais. Ça sent le brûlé. Hein. C'est cool. C'est pas ce qui brûle, mais. Au bout de trois quarts d'heure de tentative, j'abandonne. Du coup, on mourra de froid, quoi. On a une couverture de survie. Voilà, on fera avec. Hein. Sinon, on achètera un briquet. C'est moins lourd, ça prend moins de place. On a fait ça. Parce que c'est le meilleur moyen quand t'as de. Quand t'as du vent et tout ça apparemment quoi. Ok. Et puis c'est le truc où t'as pas besoin d'avoir de gaz. C'est quoi, on regardera un tuto sur YouTube quand on aura internet. Au moins il y a un sifflet pour les marmottes. Du coup on va peut-être garder que le sifflet et puis renvoyer la pierre à feu, non? Bon bah au moins c'est prêt pour le projet, ce jeu qui voudra faire un petit feu. T'as la déception. Non. Tu te sens un petit peu déçu. Ah oui, oui, oui, non mais... en fait, ça m'énerve de pas y arriver. C'est plutôt, je suis plus énervé que déçu. Mais voilà. En tout cas, pas mal de ce revue de camping, non? Alors, la vue de camping est très, très belle. C'est juste que c'est tellement crade autour. Enfin, les gens sont vraiment des porcasses. Ça m'exaspère. Je crois que tu l'as déjà dit deux fois, non? Ah ouais, mais je le répète, hein. Je le répète. S'il vous plaît, si vous allez camper ou si vous juste vous allez dans la nature, mais ne jetez pas vos déchets... Ah, c'est vrai que là, autour de nous, il y a des bouteilles plastiques partout, des mégots partout. Et je sais qu'on aurait tendance à se dire, oui, mais bon, c'est pas à moi de faire ça, mais si vous pouvez à chaque fois voilà, prendre un petit sac en plastique et déjà prendre quelques déchets avec vous pour les enlever de là où ils sont, si déjà tout le monde faisait un peu ça, ce serait déjà pas mal, quoi. On en parle du sort de notre sac en plastique plein de déchets tout à l'heure ? Ah oui, parce que je l'ai posé sur le côté du chemin, parce que je me suis dit, je vais pas le trimballer, je l'ai récupéré en redescendant, bah, il avait disparu. On se dit qu'il y a un petit pourcentage de chance que... Les enfants qu'on a croisés. Ouais, qu'ils l'aient pris pour le jeter quelque part, pas trop... Bon. Il y a aussi un autre pourcentage de chance qu'ils aient foutu un coup de pied dedans et qu'ils soient directement... Tombé dans le ravin. Dans le ravin. Ouais. Bon, on sait pas trop. De toute façon, enfin, il y en avait tellement que... Voilà. Et là-bas, il y a un joli coucher de soleil, la lumière qui commence à descendre, là, et la lune. Oui, la lune qui commence à devenir pleine. Hein. Ouais, c'est pas mal. Il fait pas chaud, hein, quand même. Ça va, ouais, ouais. Bah là, moi, je me suis activé, si tu veux, donc... moi. Ouais, mais parce que bon... Eh, attends, j'ai rapporté tout... les pierres pour mettre autour du feu, tout le bois, bon, bah... C'est de l'énergie dépensée pour rien, a priori. Hein. Donc c'est... ne te vante pas. T'es obligé de nous foutre la rage. Oh là là. On a eu une idée, on s'est dit qu'on allait peut-être utiliser plutôt du papier toilette recyclé parce que c'est plus fin et du coup un peu plus comme du papier journal. Et victoire. Ouais, assez rapidement, hein. Oui, vite, faut pas que ça brûle. Comment on fait? Faut que ça brûle. Faut pas que ça s'éteigne. Faut mettre le petit bois par-dessus. Voilà. Bon, ça a pas duré longtemps. Mais au moins, on sait comment se faire maintenant. Il y a toujours du papier cul recyclé. septembre 2019. En fait, on vous a pas dit, mais on vous a menti, on est dans les Alpes. C'est vrai qu'on dirait. C'est un peu plus sec quand même, à certains endroits. Derrière nous, notamment, là, c'est un peu sécos. Sinon, ça ressemble beaucoup. L'eau qu'on entend, bah, c'est une rivière, hein, comme d'habitude. On aime l'eau. Il y a une petite cascade plus loin, qui est déjà assez grosse. Après, oui, il y a une grosse cascade qu'il faut aller voir. Ouais, elle fait 23 mètres, celle-ci, l'autre fait 89 mètres. Hein. Je sais pas si on va y arriver, mais... Ça rigole pas. Bah déjà, on est parti pour faire une... Racontons notre nuit. On peut. Bah, elle fut courte. Fraîche. Ouais, on a hyper froid. Humide. La tente était remplie d'eau ce matin quand on s'est réveillé. Je me suis levée en plein milieu de la nuit pour aller chercher des fringues un peu plus chaudes et pour aller faire pipi. Et je me suis pris une petite douche de la part de ma tante. C'est sympa. Donc on a dû faire sécher tout ça. Enfin, c'était pas la meilleure nuit de notre vie encore, quoi. Ouais. Peut-être pas la pire, mais... pas ouf. Ouais. Enfin, on a pris un petit déjeuner pour se requinquer. Et on est parti pour faire une rando, normalement, de 5 heures environ. Ben, on s'est fait refouler à un moment donné. Il y avait un passage, enfin, a priori un portail. Il y avait un Rangers qui était assis, qui était en train de faire, je sais pas quoi, avec son petit couteau, qui nous a dit que si on n'avait pas de guide, on n'avait pas le droit d'y aller. Alors que, bon, le CBT nous avait dit que c'était bon, quoi. Donc on va aller le signaler au CBT, parce que... Bah, c'est chiant, quoi. Tu fais quand même un peu de route pour venir jusqu'ici pour faire des randonnées, et puis tu te fais refouler. Un peu chiant. Donc on va aller voir peut-être la grande cascade. Du coup, on n'aura pas vu la partie panoramique sur la carte. Bah, peut-être qu'il y a un moyen d'y aller, mais de l'autre côté, quoi. On s'est fait prendre en photo encore ? Ah oui. Bah déjà, hier, au petit boui-boui, on s'est arrêté pour déjeuner. On s'est fait mitrailler de photos. Puis là encore, sans trop te demander. Hein. Non, ça les perturbe pas trop. Je sais pas trop ce qu'ils font après les gens, tu vois, et s'ils montrent à leurs potes, et hey, t'as vu... J'ai vu des Français. Ce qu'ils nous demandent, où est-ce qu'on vient. Donc ça se trouve, ils ont un album photo entier, tu sais, avec des gens et les nationalités et tout. Et puis, ils collectionnent, quoi. Comme les cartes Panini. Peut-être. Même si c'est pas... Si ça part pas d'un mauvais sentiment, je suis pas très à l'aise, en fait, avec ça. J'aime pas trop. Non, moi non plus, mais on en avait déjà parlé au début. Et moi, je disais que c'est trop bizarre parce que... On nous prend en photo sans demander notre avis et on est censé sourire et rien dire, quoi, parce qu'on est des touristes, mais à l'inverse, tout le monde te dit qu'il faut pas prendre en photo les locaux, donc sans leur demander la permission. T'as un peu un double discours qui est assez... ok, on est touristes, mais on n'est pas non plus des personnalités publiques, quoi. Oui, et puis non, mais j'avais dit, que ce soit le locaux ou pas, dans tous les cas... Le locaux ou pas ? Que ce soit les locaux ou pas. J'ai compris, ouais. Le locaux. J'ai peut-être dit ça, bon, que ce soit les locaux ou pas... On photographie pas les gens sans leur demander leur avis, quoi. N'importe où. Même en France, ça se fait pas, quoi. On fait avec, hein. Sans rien de ça, on va pas s'énerver. Bah, tu nécessites pas non plus. Ah non, de... mais pas du tout. Non, c'est vrai que c'est pas trop. Non, mais ça me fait un peu marrer. En même temps, je suis un peu... Bon, j'ai l'impression d'être une bête de foire, si tu veux. Déjà, quand on se fait regarder... Oui. Beaucoup par les locaux, justement... Pourtant qu'il doit y avoir des touristes, donc c'est pas comme si on allait dans un endroit, tu vois, hyper reculé où il n'y avait pas du tout de touristes, et ça reste un endroit touristique. Les gens se font beaucoup regarder et tout. Et c'est vrai que ça fait une impression un peu bizarre, quoi. Je crois que je vais grignoter quelque chose, j'ai un peu faim. Vient donc de passer devant une petite mosquée du village. Il nous a fait un peu peur parce que quand il a allumé son micro, il a éclaté de rire comme un psychopathe dans un film américain. Non ? Oui, ça faisait un peu ça. Ça faisait un peu ça. Genre... C'est la première fois que je vois une mosquée qui a pas du coup l'architecture classique. Je sais pas si c'était une mosquée ou si c'était juste les micros qui étaient, tu sais, les amplificateurs. Ouais, mais sauf qu'il y a une autre mosquée au loin qui est pas du tout le même champ, donc... Ouais. Bon, peut-être qu'en effet c'est juste un relais. Ou juste, ouais, c'est peut-être juste pour signaler que c'est l'heure de la prière et qu'il y en a qui n'ont pas de mosquée à côté de chez eux. Pas y tomber. On a tenté d'aller à la Grande Cascade, mais c'était une nouvelle route de la mort. Non, elle n'était pas aussi dangereuse, mais on dérapait bien quand même sur ces grosses caillasses. Donc on s'est dit peut-être qu'on irait à pied. Je ne sais pas si on va y aller à pied dans la mesure où c'est pas un chemin hyper agréable pour les pieds, en fait. Voilà, c'est des grosses caillasses pendant 2,5 km, je pense, à pied, du coup, si on part d'en bas. Je ne sais pas si on a envie de subir ça. Donc on va voir. On a trouvé un petit salon de thé où il n'y avait que des samsa à manger. On s'est dit, de toute façon, vu qu'il n'y a que ça à manger, on va prendre des samsa. On s'attendait à avoir de la viande, et en fait, pas du tout. C'était des samsa végétariens avec de la pomme de terre, des petits oignons, des petites herbes. Super bon, bien cuisiné, donc excellent. Donc quand on s'y attend pas, pouf. On était prêt à abandonner tous nos principes, et puis en fait, pas besoin. On les a déjà abandonnés certaines fois. Hein. Moult fois. Mais c'est pour le besoin de survie. Est-ce qu'on raconte aux gens qu'on va être faible et ne pas dormir dans une tente ce soir, a priori ? Oui, mais il y a quelques raisons. Notamment, toi, t'es pas très bien. Donc, je veux dire, c'est la mauvaise excuse. Moi, je dis que ça me dérange absolument pas. C'est pour que je puisse mieux te soigner. C'est plus pratique. C'est juste que t'as pas du tout envie de dormir dans le froid et l'humidité et tout ça. Ça et au milieu des déchets. Pas. Oh, c'est toi qui as dit que tu voulais pas y retourner. Ah, je veux pas y retourner, ouais, parce que c'est dégueulasse, t'es vraiment plein de déchets. Et donc on a pas trop le choix. C'est le seul truc de camping. Oui, ça va. On pourrait camper dans la maison, enfin pas dans la maison, dans le jardin d'une des maisons d'autres. Sauf que ça a un certain coût et je me dis, à y être, autant payer un vrai lit, oui, avoir un repas et un petit dîner. Le petit déjeuner. Quelque part, c'est pas beaucoup plus cher au final. C'est le double, mais bon. Ah, le double, mais pour avoir en plus à manger. Putain. Ah, la chaise est cassée. T'as cassé la chaise ? Non, elle était déjà. C'est pas le dossier, mais le reste de la chaise, quoi. L'assise de la chaise n'est fixée que par une seule vis sur les quatre. Ah. Du coup, un mouvement de rotation a été effectué. Et tu as failli te casser la figure. On boit beaucoup de thé au Kyrgyzstan et notamment du thé vert. Ça y est, qui a fait son apparition, on vous a pas dit. C'est pas mal de boire du thé vert. Moi je préfère le thé vert au thé noir, donc je suis ravie. C'est vrai que j'en avais. Enfin, le thé noir c'est trop fort pour moi, donc j'ai un peu mal, mais on se le traînait entre guillemets depuis la Turquie. Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan et Kazakhstan. Et c'est vrai que là, à chaque fois il y a le choix entre les deux, donc c'est plutôt chouette. On sent l'affluence de la Chine proche. Ouais. Le Kyrgyzstan était pile au milieu entre la Chine et l'Europe quoi, quand ils faisaient leur commerce. C'est quand même plus proche de la Chine. Oui, mais je veux dire, c'était sur le chemin pour les Chinois. Oui. Mais tout comme le Kazakhstan. La route de la soie passait par le Kazakhstan. Ok, mais le Kazakhstan, on n'est pas tellement resté longtemps pour... traverser le Kazakhstan. Peut-être qu'on n'y restera pas plus longtemps, hein, parce qu'on a peut-être changé toute notre vie, quoi. Grosse remise en question du trajet de notre périple. Ça peut changer encore demain, ça peut changer dans un mois, ça peut changer à tout moment. C'est ça qui est bien aussi, quelque part. C'est l'avantage en n'ayant rien préparé, rien fixé, etc. C'est qu'on on communique, on se fait part de nos envies, et puis quand il y a un truc qui va pas ou qu'on a envie de changer, c'est assez simple à faire. Moi, je me suis dit, ça m'embête vraiment d'aller jusqu'à Moscou pour récupérer un visa chinois pour ensuite repartir. Ça me ferait revenir dans un sens où on est plus proche de Paris que de là où on est actuellement. Je me suis dit que, aussi on en avait parlé, on s'était dit que peut-être, toi tu avais émis l'idée que la possibilité qu'on fasse pas l'Amérique cette fois-ci. Ouais. Il y a quelques temps là. C'était un sujet depuis le début parce qu'on savait pas si on allait réussir à y aller sans prendre l'avion. Enfin, clairement, c'est très compliqué. Donc, est-ce qu'on a envie d'y aller en prenant l'avion ou est-ce qu'on préférait ne pas le faire maintenant ? sachant que, bon, ça, en effet, ça peut tout à fait changer. Ça se trouve, on va juste revenir en France, puis on va se poser un peu, et puis on repartira, parce qu'en fait, on aura envie de repartir tout de suite. Ça se trouve, on repartira pas tout de suite, et on repartira plus tard. Ça se trouve, on repartira jamais, on ne sait pas. Donc oui, ça limitait un peu plus le monde sans l'Amérique, le continent américain. Donc on s'était dit, peut-être on irait au moins jusqu'en Nouvelle-Zélande et faire une boucle en revenant par l'Asie du Sud-Est. Bah, du coup, comme on devait passer par l'Asie du Sud-Est, c'était plutôt en revenant par le Transsibérien. Oui, voilà. Enfin, il se peut que là, on se soit décidé de zapper l'Ouzbékistan potentiellement. Non, ça, on n'est pas décidé. Ah, on n'est pas décidé. C'est moi qui suis décidé. Non. Bon, en tout cas, ça, ce qui est sûr, c'est qu'on va rejoindre le Transsibérien jusqu'à Vladivostok. Enfin, c'est pas sûr, mais je pense qu'on est en train de prendre la voie qu'en effet, on va pas aller au Laos maintenant. Oui. La simple et bonne raison aussi, c'est que au-delà du fait qu'il y a cette histoire de visa qui nous empêche un peu d'y aller. Enfin, par voie terrestre. Par voie terrestre, oui, bah, évidemment. Et que vraiment, ça nous embête là de prendre l'avion pour ça, dans la mesure où c'est possible par voie terrestre. Autant quand on va aller en Australie, quand on va aller en Nouvelle-Zélande, malheureusement on n'aura sûrement pas vraiment le choix. Ou alors il faudrait être très très riche et avoir pas du tout peur de la mer. Et on s'est fait une raison sur le fait qu'on allait prendre l'avion et que c'était comme ça et que c'était pas grave non plus. Voilà, c'est... On a dit qu'on planterait des arbres pour compenser. Exactement. Mais là on n'était pas prêt à prendre l'avion. Non, mais ouais, clairement, alors que c'est faisable, enfin, tu vois, c'est ça qui m'énervait. Ce qui m'embête aussi un peu, c'est qu'on apprécie le fait de voyager lentement et de, du coup, changer de paysage, de culture, de climat, lentement, sans que ce soit un choc pour ni notre organisme, ni notre esprit. Et là, du coup, ça nous obligeait à, à passer de l'Asie du Central, potentiellement, il fait quand même sec, chaud en ce moment, pour aller dans un pays où il fait chaud, humide, avec une végétation différente, une culture différente et tout, en 8 heures, quoi. Avec en plus deux avions, parce que ça nous oblige à faire une escale à Bangkok. Donc, d'un point de vue environnemental, on n'est pas bien. Ouais. Encore moins bien de prendre un seul, parce qu'à la limite, bon, un seul, on se fait une raison, mais de devoir en prendre deux, du coup, c'est comme le décollage et l'atterrissage, c'est le pire. Oui, et on apprécie aussi de ne pas se dépêcher pour être à un endroit. Et c'est vrai que ça nous faisait plaisir de faire ce sujet documentaire. Ça nous faisait plaisir de voir Rémi. Mais c'est pas comme si on était juste à côté et qu'on pouvait y aller, comme la Géorgie, quand on a retrouvé Jesse et Edouard. On était quand même juste à côté. Donc on s'était dit... C'était le chemin, oui, plus ou moins. C'était le chemin, et puis on s'était dit, à cette date, on peut y être. Là, finalement, le Laos, c'est compliqué. C'est pas du tout, au final, la période à laquelle on est le plus proche. Et on s'était dit qu'on allait faire vraiment nos sujets documentaires en fonction de là où on est, un peu au dernier moment, sur le moment, et improviser. En fonction des rencontres et voilà. De ce qu'on découvre. Donc... Ça a peu de sens. Ouais. Donc désolé Rémi, il se peut que tu ne me retrouves pas au Laos. Avant que tu écoutes ce podcast, tu le sauras déjà. Hein, parce que... j'espère qu'il ne va pas le découvrir avec le podcast. Donc, Transsibérien pour le Japon. Enfin, il y a une petite étape intermédiaire entre les deux qui est la mer. Il y a la mer. Alors, un bateau peut-être. Oui, un bateau qui existe. Ouais. Hein. Enfin, faut qu'on vérifie parce que bon, là, bien sûr, on s'est décidé, on n'a pas internet, on n'a rien. Donc, comme c'était pas notre plan. En fait, on est en train de repartir un peu sur notre plan initial, le tout départ, c'était de prendre le Transsibérien et d'aller au Japon directement. Peut-être qu'on retrouvera Alexandre de London to Osaka. Et Sachi aussi, quand on a pris en stop, du coup. Oui. Qu'elle va faire un petit peu de la Chine parce que comme elle est japonaise, elle n'a pas besoin de visa chinois. Ah, chanceuse. Et le Népal, mais du coup on risque d'y être à peu près quand elle va rentrer, quoi. Ouais. Donc et puis aussi on s'était dit qu'on en avait un peu, qu'on a envie de voir autre chose, quoi. Ça va nous faire du bien de changer de cap. Oui, il y a ça, le côté un petit peu pour l'instant, sans paraître bien sûr enfant gâté. Mais côté un petit peu décevant pour l'instant de ce qu'on voit du Kyrgyzstan, c'est pas que ça se passe mal, mais je pense qu'on idéalisait un petit peu. J'ai l'impression qu'on en a déjà parlé, je sais plus si on en a parlé dans Vancouver. Nous on en a déjà parlé, mais. Oui. Non, peut-être qu'on idéalisait un petit peu trop. Je pensais avoir un peu la sensation que j'ai eue quand on est allé en Nouvelle-Zélande en fait. J'attendais à avoir un peu plus de nature, moins de présence humaine. Et du coup, là, c'est pas vraiment le cas. Ce qui n'est pas... Enfin, c'est pas grave. C'est juste que j'aurais pas dû m'en faire un idéal comme ça. peut-être que ça va changer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça reste un super joli pays. On a vu des paysages magnifiques. Mais c'est vrai qu'il y a une forte présence humaine et une forte, de fait, une population, je pense, qui n'est pas sensibilisée à l'environnement, ce que je comprends. Enfin, quelque part, c'est... Voilà, on ne met pas tous, mais très pollués, quoi, en fait. Mmh. Ouais. Enfin, nous, ça nous gâche un peu, quand même. Ouais, quand on se balade, qu'on fait une randonnée, etc., et qu'on est entouré de déchets au milieu de, certes, jolis paysages, mais du coup, c'est un peu... C'est un petit peu irritant. C'est comme un petit grain de sable dans sa chaussure quand on marche, quoi. Ça... C'est con, ce que je veux dire, mais... En France, on a des très jolis paysages préservés où il y a quand même très peu de déchets. Enfin, c'est rare. Tu retrouves, ça arrive que tu fasses des randos. Oui, mais pas comme ici, en effet. Mais si vous voulez, là, c'est vraiment énormément. On pourrait se dire, enfin, tu vois, aller se balader dans les Alpes. On savait déjà, je pense, avant de partir. On avait déjà parlé avec nos familles, nos amis et tout, mais on a de la chance de vivre en France, quand même, globalement. Pour des tas de raisons, mais même d'un point de vue purement... paysages et tout ça, enfin il y a une diversité de paysages, un climat qui est quand même relativement doux où qu'on soit, enfin, et c'est vrai que c'est assez agréable et que pour l'instant on a beau avoir visité 13 pays là je crois pour l'instant, enfin visité, en tout cas traversé 13 pays, on s'est jamais dit qu'on vivrait ailleurs qu'en France pour le moment, donc ça changera peut-être en avançant, mais c'est pas, on sait qu'on rentrera pour l'instant. Oui c'est ça, c'est... Moi je suis content de visiter, de voir ce qu'il y a ailleurs. Mais pour l'instant, en effet, je trouve qu'on a énormément de chance. Et sur, je pense, tous les points de vue, quoi. C'est rare que je me dise, tiens, on devrait faire ça en France. C'est vrai. À part le tri, quand on était en Italie et en Slovénie, je crois, on s'était fait la réflexion de 3 fois en disant, ah, c'est quand même bien foutu, ce serait bien si on était en France. S'il y avait une collecte des déchets organiques, oui, ça serait pas mal. Ça nous avait bien excité. Ouais. Du coup, ça me donne un peu envie de... Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, en discutant, c'est qu'on va pas... Ça nous donne pas envie de rentrer tout de suite, parce qu'on a envie de visiter des pays qu'on a vraiment envie de faire, notamment, en effet, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qu'on connaît un tout petit peu, mais qu'on a envie d'explorer davantage. Mais moi, ça me donne envie de faire un vrai road trip en France, de prendre le temps, en fait, de visiter la France plus, et même l'Europe proche, enfin... J'ai entendu parler dans le podcast Allo la planète, un mec qui a fait... Alors, je crois que je viens juste de commencer à écouter ce qu'il a fait. Donc, c'est la diagonale du vide en France. T'as déjà entendu parler ? Non. Et ben, en fait, c'est la... En gros, tu prends une diagonale de la France en partant de... En gros, quoi, le nord-est jusqu'au sud-ouest. Et c'est que des régions, enfin des zones qui sont très peu habitées. Voilà. C'est intéressant, je ne connaissais pas du tout. Et je ne sais pas s'il a fait à vélo ou à pied. J'ai entendu parler aussi d'un mec après qui a... Il n'était pas dans le podcast, mais ils en font référence. Un gars qui a voyagé dans sa rue. Il s'est mis en condition de voyage, mais juste dans sa rue. Je trouve ça fou. Les gens ont des idées folles parfois. Ouais, c'est drôle. Mais c'est génial. Enfin, le concept est. C'est ça que j'aime bien avec dans Allo la planète, c'est que de toute façon, le voyage, que ce soit. Tu t'ailles voyager à 5 km de chez toi ou au milieu de la Terre, enfin, le principal, c'est de voyager. Oui, oui. En fait, c'est de changer ses habitudes et de s'ouvrir différemment aussi. Donc, c'est, oui, on peut visiter, on peut très bien voyager en France et découvrir des millions de choses sans avoir besoin d'aller très très loin. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on savait déjà. On s'était dit justement, on fait ce grand voyage et après, on voyagera plus proche de chez nous. C'est vrai que si on pouvait faire un peu, mais ce serait vraiment copier ce que font Sideways avec leur van et aller faire des petits reportages documentaires sur des bonnes initiatives à travers la France. Mais c'est trop cool ce qu'ils font, enfin, aller voir leurs vidéos, hein. Très très inspirant. Oui, ça nous a donné bien envie quand on les a découverts de copier leur mode de vie. Ouais. Enfin, ils sont pas tout seuls, hein. Il y a beaucoup de gens qui voyagent itinérant dans un van, etc. Mais en effet, pas forcément dans du documentaire. Voilà, bon, du coup, on est un peu en remise en question. Oui, mais tout en sachant que c'était quelque chose qui arriverait fréquemment. Ah oui, bien sûr. Pendant le voyage. Enfin... Mais on s'était justement laissé toutes les opportunités, ouais. Enfin toute la liberté en tout cas de se remettre en question tout le temps et d'écouter nos envies, de pas être. C'est difficile de le verbaliser, de le dire et tout, mais là je me sens un peu alors je sais pas si c'est blasé le mot adapté, mais en tout cas je sens que je suis pas tu kiffes pas comme tu voudrais kiffer. Je kiffe pas comme je voudrais kiffer et je suis pas dans mon meilleur de moi-même pour justement être ouverte aux autres et tout ça, enfin, je sens qu'il y a un truc qui voilà, qui colle pas. Donc peut-être qu'il faut. Après voilà, physiquement on a été un petit peu. Pardon, ma chaise bouge. J'ai un peu peur de me retrouver les fesses par terre. Oui, c'est sûrement ça. On est fatigué aussi. Ça aide pas aussi à avoir une peut-être réflexion claire. Non, mais tu vois, ce qui est assez rigolo, c'est pas rigolo. C'est pas vraiment le mois d'octobre, mais ce qui est assez troublant, c'est que j'ai commencé à me dire que j'étais pas très bien et que, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas dans notre process quand on commençait à réfléchir au là-haut, au visa, comment est-ce qu'on allait faire, tout ça, puis enfin voilà. Et bizarrement, bah, mes problèmes d'estomac, tu vois, sont apparus et je me dis que c'est peut-être pas si. Enfin, on va voir si ça s'en va aussi facilement, mais peut-être c'était juste un petit blocage psychologique que mon corps essayait de régler et voilà, ça va peut-être se régler. On découvrira ça bientôt. Je pense qu'il y a un truc, et du coup ça rejoint cette histoire d'improviser notre voyage. C'est-à-dire qu'au final, avant d'arriver au Kyrgyzstan, c'est des pays où on est passé et on s'est dit, bon bah voilà, en Turquie on devait pas rester un mois, on est resté un mois. En Bulgarie on devait pas rester une semaine, 10 jours, je sais plus. On devait rester 2 jours. Oui. On est resté plus que ça. Et tu vois, et on s'était dit, on veut aller au Kyrgyzstan, on veut rejoindre le Kyrgyzstan. Et c'est un truc qui est resté dans notre tête en fait, tu vois. Et je pense que ça vient de là aussi. C'était un objectif. Ah, c'était l'objectif de notre voyage, le premier objectif de notre voyage. Alors, clairement. Ça, en fait, au final, il n'aurait pas fallu qu'on se mette cet objectif. Oui, c'est clair. Et là, du coup, on se sent, entre guillemets, un peu obligé de le visiter parce qu'on y est, parce que voilà, on a loué une voiture et puis. Et puis voilà. Alors qu'en fait, je pense que si j'écoutais vraiment ce que j'ai envie, je pense que je partirais là. Et en même temps, je me dis c'est dommage parce que je crois qu'il y a plein d'autres endroits qu'on a prévu de faire et qui seront très jolis et qui vont peut-être nous faire changer d'avis. Et dans, tu vois, 2 jours, on va dire en fait c'est génial. Et enfin bon, voilà, peut-être qu'on est du mauvais côté aussi du Kyrgyzstan et c'est pas ce qu'on avait en tête. Parce que pour l'instant, on a fait que la partie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais côté du Kyrgyzstan. On a fait que l'ouest du coup pour l'instant. Oui. Donc, Et ce qui est pénible entre guillemets, c'est qu'on est pour justement rejoindre l'est. C'est compliqué quoi avec cette histoire de Kazakhstan Pass du coup qu'on ne va jamais prendre puisqu'on s'est dit qu'on n'irait pas à Narin. Ouais. Là, a priori on va pas y aller. On va pas aller à Tashrabat tout compte fait parce que on s'est dit que ça faisait beaucoup de routes, le risque du Kazakhstan Pass qu'a priori on pourra peut-être pas prendre pour aller juste visiter un point, et c'était quelque chose qu'on s'était pas interdit de faire, mais on s'était dit qu'on évitait de faire ce genre de truc. De faire énormément de voyages, que ce soit en voiture ou autre, hein, que ce soit polluant ou pas polluant, c'était pas trop la question, mais en gros, d'aller visiter des spots un peu touristiques ou absolument à faire pour cocher une checklist, des choses à voir, quoi. Enfin, même si c'est hyper tentant et même si c'est vachement difficile de réfréner son envie d'aller visiter des trucs où tout le monde dit c'est magnifique, parce que bah, voilà, t'as envie de faire comme tout le monde et de le voir avec tes yeux, enfin, tu vois. C'est presque un réflexe humain, quoi. Mais du coup, on se dit que là, c'est peut-être un peu dommage, quoi. Et que si on veut profiter un petit peu plus de l'Est et moins se presser, bah, vaut mieux qu'on y aille directement et qu'on se pose un peu plus et voilà. Et qu'on rende la voiture du coup au bout de 3 semaines et pas au bout d'un mois parce qu'on s'était laissé la possibilité de la garder une semaine de plus. Voilà. Bon, oui, on parle beaucoup. Ah, mais c'est toi qui vas monter, hein, je m'en fous. Hop, on est reparti juste pour. Tiens, un truc que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce qu'on veut aussi, c'est justement partager ces réflexions-là. Pour aussi montrer qu'un tour du monde, c'est pas magique, c'est pas que magique. On a énormément de chance de le faire, mais c'est pas non plus tous les jours. Voilà, c'est pas fête, quoi. C'est pas un Instagram, quoi. Je pense que ça doit être assez dur. Moi, je suis pas trop dans la culture comme ça, parce que je pense que si tu regardes tout ce qui est blog de voyage, enfin, les blogs c'est différent parce que t'as quand même bien les impressions des gens. Mais rien que les Instagram, tu peux vite idéaliser beaucoup de choses. Oui, dans leur vie, de façon générale. Pas quoi, que pour le voyage. Ils ont une hein. vie parfaite, qui mangent hyper sainement, qui font du sport tout le temps, qui sont toujours heureux, qui vont au resto, qui vont machin. Enfin, alors qu'en fait, c'est pas la vie de la majorité des gens. Quoi. On se rend compte, on a vraiment conscience de la chance qu'on a de pouvoir faire ce voyage. Mais c'est aussi pour dire que y a des moments, il y a des hauts et des bas. Quoi. On a c'est notre vie. En fait, c'est la vie qui continue et en fait, c'est pareil quand t'es chez toi, ton boulot, ta routine, des fois t'as tes hauts et bas, c'est un peu pareil aussi, quoi. Oui, et puis on peut pas s'empêcher du coup de le dire et de changer nos plans juste parce qu'on s'est dit qu'on allait faire ça ou qu'on allait le faire comme ça. Enfin, on peut pas vendre du rêve à personne ni à nous-mêmes d'ailleurs. Enfin, on va pas vivre en dehors de la réalité, quoi. Donc, clairement. Donc si on n'est pas bien, on n'est pas bien, quoi. Ça peut arriver. Voilà. Fermez la parenthèse. 13 septembre 2019. On a repris la route depuis Archenbob ce matin pour aller... Bon, on sait pas trop où, enfin jusqu'où en tout cas ce soir. On roule tant qu'on peut quoi, il fait jour. L'idée c'est d'aller jusqu'à Sonkul, ouais. Un lac un peu au milieu de nulle part. On roule plutôt bien, ça va, oh, ça oui. Avance. Pas grand monde sur la route, parce que c'est bah, toujours pareil, soit des nids de poules donc t'es obligé de rouler à 40, ou des limitations de vitesse des fois, tu sais pas trop pourquoi, ou des petits villages, ou des flics aussi qui contrôlent quand même un peu... tous les villages justement, ouais. Donc fait pas trop de... pas trop les fous. Depuis qu'on est arrivé aux abords du lac, enfin, du réservoir de Toctogul, c'est assez magnifique quand même le paysage. C'est très différent de, la, de comment c'était à l'aller. La couleur de l'eau est plus bleue. Les montagnes un peu hautes sont enneigées, contrairement à quand on est passé la première fois, donc c'était pas si longtemps que ça en vrai. Ce qui donne un paysage assez incroyable, à la fois des montagnes désertiques avec certaines enneigées, un lac d'un bleu fou, encore les alentours du lac qui sont cultivés, qui sont très très vertes. Mmh. Ah, les alentours qui sont verts, sont mieux quand même. Oui, oui, oui, mais même sans qu'ils soient cultivés, hein, vu qu'il y a... Oui, il y a un peu de marécage ou un peu de... Le fleuve qui arrive sur le lac, là, le Narine. C'est vrai qu'on en prend pas mal plein la vue. Hein. Ça, c'est canon. Et truc de fou, on vient de voir un loup qui avait l'air un peu paumé. Ouais, qui avait un peu désorienté, ouais. Qu'il avait faim, ouais, hein, ouais, ouais. Soif, et tout seul, en plus. Mais de loin, je me disais, c'est bizarre, il a pas l'allure d'un chien. Et il était très grand pour être un chien, ouais. Et trop petit pour être une vache, enfin, ou un truc oui. Comme ça, quoi. Il y a des gros chiens, ça existe, tu vois. Bah, non, quand on s'est approché, il avait clairement la tête d'un loup, quoi. Et l'allure. Donc au milieu de la route comme ça hein. Juste à l'endroit où je voulais aller m'arrêter pour faire pipi. Je me suis dit bon je vais aller un petit peu plus loin. Bah après 200 mètres devant lui il y a deux personnes qui marchent le long de la route quoi. Donc bon après normalement non, les loups n'attaquent pas l'homme. Oui en vrai je pense qu'il n'y a aucun risque. C'est vrai que c'est un peu perturbant, c'est la première fois que je vois un loup en vrai donc... Oui je m'attendais pas à le voir dans cette condition là. Voilà. Bah, sinon il fait chaud. Combien? 24 degrés dehors. Ça tape quand même. Ça y est, nous nous sommes arrêtés pour la nuit. À Kusul-Oy. Exactement. Au bord de la rivière, comme d'habitude. Pour changer un peu. C'était pas gagné qu'on trouve un endroit pour dormir, parce que la route est étroite et au bord de la rivière, entourée de montagnes. Donc il y a de la place en face, mais il n'y a pas de quoi traverser. Donc c'était un peu compliqué. On peut dire que la route était quand même très belle. Depuis qu'on a quitté la route principale. Ouais. Bon, même avant, en fait, avec les... c'était très enneigé. Ça a changé le paysage. Enfin, on a vu une sacrée épaisseur de neige hein, au bord de la route. Et même assez bas. 2000... Combien tu m'as dit 2008 ? Non, 2000. Enfin, il y en avait là sur le bord en se baladant, enfin, en roulant, quoi. Il a neigé, je crois, il y a deux jours, c'est ça, dans la région, donc... Ça te makes sense. Exactement. Bon, nous, ça va, on a un grand ciel bleu. Ouais, je pense qu'on va être bien. On va avoir froid, je pense, parce qu'il fait pas chaud. Déjà frais, et puis ça va être un petit peu Ahmed, je pense. On a pris un monsieur en autostop. Oui. Qu'on n'a pas amené vraiment la... très très loin, au final. Enfin, quand même loin, mais pas très loin, parce que la route étant pas goudronnée, on a roulé à 40 km/h. Tu peux pas aller beaucoup plus vite, de toute façon. Bon, là, il fallait faire une heure de trajet, quoi, déjà. Ça oui, avancer. Non, mais ça, on l'a pas laissé. Emmené là où il voulait, quoi. Ni bah... là où on aurait voulu s'arrêter non plus, je pense. On pense peut-être aller un peu plus loin, mais... Nous, on lui a dit qu'on allait vers Sonkul, le lac. C'était sûr qu'on n'y arriverait pas avant la nuit. Donc on lui a dit qu'on allait dormir autour du village. Et puis, on l'a laissé pas en plein milieu de la steppe. Comme les trois loustiques la dernière fois qu'on a récupérés en plein milieu de la steppe. Oui. Oui, mais bon, entre un truc touristique et le village, donc c'était... Ça... Ouais, mais c'était quand même en plein milieu, quoi. Oui. Le mec... C'est sûr. Sinon, on a vu beaucoup d'animaux écrasés sur la route. Alors oui, si vous aimez les animaux, je vous conseille pas d'aller au Kyrgyzstan. Parce que bah déjà, vous en voyez plein de vivants qui sont trop mignons, mais tu sais que c'est pour le bouffer. Ouais, et puis qui sont attachés... Enfin, j'ai vu une vache tout à l'heure qui avait le pied attaché à une corde. Ah. Non, à une corde. Mmh. Et qui du coup avait le corps complètement tendu pour pouvoir aller manger un peu plus loin, quoi. Donc c'est vrai que, bon, Donc ça nous fait toujours un peu de peine, même quand on voit les chevaux, les ânes qui sont attachés, les deux pieds attachés, ou alors entre eux. Alors c'est sûr qu'on voit beaucoup plus d'animaux sauvages, d'animaux tout court que ce qu'on verrait ailleurs, en tout cas. Donc ça c'est plutôt cool quand on aime les petits chevaux et les petits veaux et tout ça. Mais ouais, pas forcément comme on aimerait les voir. Et puis bah, surtout, il y a des animaux qui meurent au bord de la route, quoi, qui sont écrasés. Donc, On a vu ce matin un petit chiot, un petit renard, mais je pense que c'était peut-être un petit chiot plutôt. Ça avait plutôt un peu l'âge. Mais vraiment tout petit, hein. On a vu plusieurs chiens écrasés. Un cheval éventré. Ouais, bien éventré. Sur le bord de la route. C'était pas beau. Et alors, bon, ils étaient pas morts. Non, mais malheureusement, mais j'ai cru que c'était des cailloux. Pas cher de leur peau. C'était deux petits chatons, mais vraiment au milieu de la route. Et miniature. Voilà, on a cru que c'était des petits cailloux quand même, donc pour vous donner une idée. C'était la même couleur que la piste. D'habitude, tu peux passer sur les cailloux, donc je sais pas ce qui s'est passé dans ton cerveau. Je passe entre les cailloux, au milieu. Ouais. Donc, dans tous les cas, j'aurais fait en sorte de les éviter, sauf si... T'avais pas eu le choix. J'aurais freiné quand même. Ah, tu les as vus au dernier moment, hein. On s'est rendu compte que c'était des chatons assez tardivement quand même. Non, mais c'était... C'est improbable, quoi. Qui se retrouve là en plein milieu alors que c'est. Il y avait pas la maman. Ils avaient pas l'air de vouloir bouger en plus, quoi. Donc ouais, je préfère pas savoir ce qui s'est passé pour eux, ça me donne un petit peu mal au cœur. Et puis des oiseaux aussi écrasés, enfin parce qu'ils sont pas, c'est un peu suicidaires les oiseaux. Hein. Ils marchent sur la route plutôt que de voler. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de s'enfuir en volant, ils s'enfuient en marchant. C'est bizarre. Voilà. Mais bon. Non. Allez. Après, on a vu énormément de chevaux tout seuls là. Donc c'est agréable aussi. Troupeau de chevaux sauvages. Enfin, je pense pas que ce soit sauvage, mais ils sont laissés en liberté, quoi. Mais je pense qu'ils appartiennent à quelqu'un, ça m'étonnerait que ce soit sauvage. On s'est fait arrêter par la police. Ah oui, j'ai eu trop peur. Je crois qu'on avait fait quelque chose de mal. On nous a juste contrôlé. Ouais. Mais faut comprendre que le mec il t'arrête, hein, parce qu'il était genre au téléphone et à genre 5 mètres du bord de la route. Il a fait un signe avec son petit bâton. J'ai vu qu'il y avait, il y avait personne devant moi, personne derrière. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être pour moi. Je me suis arrêté. Le mec. Surtout qu'on était dans un village, donc ça aurait. Enfin, bon, c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais je savais. Fais pas attention, quoi. Je faisais pas d'excès de vitesse, donc je n'ai rien à me reprocher. Mais d'ailleurs, il s'est rien passé. Oui, oui. Ils nous ont demandé si on était des touristes, et puis. Voilà. Puis voilà, c'est tout. Donc demain, on devrait être à Suncool. On a pété un feu de la voiture. Ouais. Arrière, là, je viens de m'en rendre compte. Je sais vraiment pas comment c'est arrivé, quoi. Bon, bah, on récupérera pas toute notre caution, ça, c'est sûr. Vous savez, hein, qu'il y avait un risque non négligeable. Ah bah, vu les trajets qu'on prend, si tu veux, ça m'aurait étonné du contraire. Mais ça y est, on commence à rentrer un peu dans le Kirghizistan, un peu plus sauvage, quoi. On a croisé quand même beaucoup, beaucoup moins de villages sur la dernière portion de la route. C'est magnifique. Je pense qu'on a peut-être... On se disait qu'on avait peut-être fait l'erreur d'aller à Sarayemoghol, pour faire le pic Lénine. Ce qui est du coup une route très passante, puisque c'est la route qui relie... Enfin, c'est la Pamir Highway, et c'est la route qui relie du coup bah, le Kazakhstan au Tadjikistan, en gros. Je pense que les pattes sont cuites. Hein. Et oui, et c'est très très loin pour aller voir juste une chose qu'on s'était dit qu'on ferait pas trop. Donc, c'est cuit ? Oui. Ok. Bon, bah du coup, on va manger. Bon appétit. They're gonna tell you you're gonna pay too high a price and try to convince you you gotta play it safe this time. They're gonna work you, they're gonna try to wear you thin, they wanna protect you and leave you trapped inside your skin. Holding back and pretending not to be what you wanna be, what you wanna be. Holding back and pretending not to be what you wanna be. Well, you were the lone star, and they left you there where you fell. Another distraction, another coin in the wishing well. They're gonna ignore you, tell you to keep those thoughts inside, and then they'll forget you. And you'll always wonder if you even try. Holding back and pretending not to be what you wanna be, what you wanna be. Holding back and pretending not to be